Chapitre 25. À la Santoche. J.B. Chopin eut de nouveau les honneurs du panier à salade et fouette cochée pour la Santoche. Cette fois, il était sapé, c'est-à-dire qu'il n'avait plus droit aux égards dus, paraît-il, aux prévenus. Il était la proie de la répression dans toute sa férocité, viande à gaffe et mur pour le grand tombeau des vaches. Un redoublement de cris, d'outrages et de menaces, sans parler des coups de clé dans le dos, qui aident à marcher, lui apprirent son changement d'état. Le prévenu était un condamné. « À vous, messieurs les gardiens !» Chopin fut happé à la descente du panier, fourré dans une espèce de cabine en bois, dite d'attente, et poussé vers le greffe, manches retroussées, en bataille, pour constater les signes ou tatouages. « Ce que l'on vous demande deux fois votre état civil en prison est fantastique. Cela devient abrutissant à la fin. On a vraiment soupé de ses ancêtres. Il faut raconter sur leur compte un tas de choses qu'on ne sait généralement pas. » Il faisait nuit et le silence de la grande boîte du boulevard Arago n'était doublé que par des appels monotones répercutés sous les voûtes ou les bruits de portes et de ferrures. De ci, de là, quelques becs de gaz éclairaient lugubrement l'entrée. J.B., son écrou dressé, se retrouva dans une salle carrée, au milieu de laquelle était un escabeau. « Asseyez-vous là, pour la toilette !»« La toilette ? Est-ce qu'on allait le guillotiner à présent ?»« Perruquier !» Celui-ci apparut avec une tondeuse, un rasoir, une savonnette. Il portait le misérable accoutrement des prisons, chemise écrue, veste, pantalon et béret gris, des gros sabots. C'était un merlan qui tirait son clou comme ça, en peinard. Quelques douceurs sont accordées aux détenus de service, aux oxycos, les auxiliaires. Il va sans dire que ces places sont recherchées et de préférence accordées aux gens qui s'offrent à moutonner. Le coiffeur de la santé tondit et rasa Chopin jusqu'au sang. Il avait la gloriole de sa barbe à poux et de ses doux gibets. « Adieu !» Ou plutôt, au revoir les tifs, nib de nib, mon genou, un œuf à la coque. À présent, foutez-vous à... Mettez-vous tout nu. Il fallut encore obéir. Alors se passa une scène qui dégoûta profondément Chopin. On lui écarta les doigts des pieds, on lui examina ensuite l'intérieur de la bouche, le nez, les oreilles, puis le gaffe... le fit accroupir, lui regarda dans le parfaitement. Et pour parachever la dégoûtation précitée et très authentique, le saligaud lui tapa sur le ventre, comme ça, pan ! Rien, annonça-t-il. Chopin, qui avait la chose facile, en lâcha un, la revanche du haricot cellulaire. Un coup de pied en plein dans le fion termina la séance. Tiens, mon cochon, attrape ! C'est une sale corvée pour le gaffe qui est de service à l'examen anatomique. Au lieu de découvrir des objets prohibés et intimement cachés tels que or, billets de banque, canifs, etc., il ne récolte le plus souvent qu'un petit air de « quant à soi à la Chopin ». Alors, la botte au cul est de rigueur. C'est la réponse du berger de la Santoche à la bergère du royaume d'Éole. « Les salauds !» songeait J.B. sans plus rien comprendre. Nouvelle surprise. « Fourrez-vous là-dedans !» C'était une baignoire, pas mal répugnante, avec de l'eau suspecte. « Je viens de finir ma boule !» objecta Chopin. « Tout ce que vous voudrez, mais pas de bain après manger !»« Je m'en fous, c'est le règlement !» Rien à ajouter. Le pauvre Bellevillois se plongea dans le bouillon. « Rhabillez-vous !»« Bon, rendez-moi mes effets !» Ils sont dans la chambre à poux. Les tubes souffraient. V'là le costume. Et Chopin, fringué en détenu, s'enfonça dans le fond de la geôle. À vous. Recevez 3e 47. Il n'avait plus de nom et il avait changé de numéro. Pauvre vieux. Maintenant, changeons de décor. Avec le grand Charles, nous nous retrouvons dans la cour du dépôt.